بسم الله الرحمن الرحيم وصلنا عند قول المؤلف حفظه الله أنها سبب لرؤية الله عز وجل parmi les mérites d'accomplir la prière du Fajr en groupe à la mosquée. Et ce n'est autre que l'un de ses plus grands mérites. Cela est une cause de pouvoir voir Allah Azza wa Jal. Cela est une cause de pouvoir voir Allah Azza wa Jal. Donc, le fait d'être constant dans l'application, dans l'accomplissement de la prière du Fajr est une cause qui provoque la vision d'Allah Azza wa Jal pour le croyant dans l'au-delà. ففي صحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر. Donc Jarir ibn Abdillah, il dit, nous étions assis autour du prophète عليه الصلاة والسلام lorsque il regarda vers la lune. وكثيرا ما تجدون في الأحاديث أنهم كانوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم كانوا ماشيا وأنهم كانوا على الرحيل مع رسول الله فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في وسط قومه وفي وسط أصحابه بغير مفارقة لهم بل كان يخالط أصحابه في أكثر الأوقات. Dans bon nombre de hadith, on va trouver que les compagnons, ils évoquent qu'ils étaient avec le prophète, alayhi salatu wa salam, assis, ou qu'ils marchaient avec le prophète, ou qu'ils voyageaient avec le prophète. Et tout ça nous montre que le prophète, alayhi salatu wa salam, n'avait pas pour habitude d'être séparé de ses compagnons. Il prenait plaisir à les fréquenter et à être au milieu d'eux. Donc là, ce jour-là, il était assis avec un groupe de compagnons. Lorsqu'il regarda vers la lune, وهذا كذلك من الفوائد أن الإنسان عليه أن ينظر في آيات الله الكونية الباهرة العظيمة، ينظر ويتأمل ويتدبر فيها، ومن آيات الله الكونية العظيمة القمر، الشمس، والسماء. والجبال والأرض وما إلى ذلك. Et aussi on constate et on prend du fer du prophète عليه الصلاة والسلام lorsqu'il a regardé vers la lune, vers la pleine lune. On prend le point qu'il est important à l'individu d'être en osmose avec son environnement, c'est-à-dire le fait de méditer sur les choses qui l'environnent, les choses environnantes. Naam. Parmi les signes d'Allah Azza wa Jal, comme le fait de méditer sur le soleil, ou sur la lune, ou sur le ciel, ou sur les montagnes, ou sur même la terre. Tout ça sont des choses qui doivent appeler à méditation. Et l'insan, il ne doit pas rester insouciant face aux choses qui l'entourent. Allah subhanahu wa ta'ala, مثلا, يقول أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا مثل هذه الآية يتأملها الإنسان. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque on médite sur cette terre sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de marcher. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, n'avons-nous pas fait de la terre un endroit qui peut accueillir à la fois leurs vivants et leurs morts? Ajaban. Kam min nas dufinu fiha. وكم من ناس سيدفنون فيها خلق كبير فمثل هذا يتأملها الإنسان يتأمله الإنسان. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر متأملا متفكرا متدبرا فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. En tout cas, en ce qui vous concerne, certes vous verrez votre Seigneur comme vous regardez cette pleine lune. On a dit Bishara, Azim, les Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est une bonne annonce du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam pour ses compagnons. La tudammuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i shams wa qabla ghurubiha faf'alu. Le prophète alayhi salatu wasalam, ensuite il dit vous allez pouvoir voir votre Seigneur sans la moindre gêne, sans subir la moindre gêne. Donc si vous pouvez ne pas être distrait, ne pas être distrait face à la prière qui doit s'accomplir avant le lever du soleil et celle avant la disparition du soleil, alors faites-le. وهذا قيد مهم لمن يريد أن يحصل على رؤية الله عز وجل يوم القيامة وفي الجنة. Donc ça c'est une restriction importante dans le hadith pour celui qui veut réellement obtenir la vision d'Allah عز وجل lors du jugement dernier et lorsqu'il se trouvera au paradis. Cette restriction, c'est-à-dire que la vision là, elle sera accordée uniquement à ceux qui ne sont pas distraits face à l'accomplissement de la prière du Fajr ainsi que celle du Asr. قال يعني العصر والفجر ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال ابن بطال فيه فضل المبادرة والمحافظة على صلاة الصبح والعصر وأن بذلك تنال رؤية الله تعالى يوم القيامة. Donc l'imam ibn Battal il nous explique qu'il y a dans ce hadith un grand mérite qui concerne le fait de se précipiter et de persister dans l'accomplissement de la prière du Fajr, du Subh, ainsi que du Asr. Et que de par cela, on atteindra la vision d'Allah Azza wa Jal yawm al-qiyamah. Wa qala al-Khattabi alayhi rahmatullah, hada yadullu ala anna al-ru'ya qad yurja nayluha bil muhafazati ala hataini as-salatayn. Et donc cela indique, d'après l'imam al-Khattabi, qu'on peut espérer la vision d'Allah Azza wa Jal juste en persistant dans l'accomplissement de ces deux prières, la salat du Fajr ou la salat al-Asr. Wa qala ibn Rajab alayhi rahmatullah qawluhu fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha faf'alu أمر بالمحافظة على هاتين الصلاتين وهما صلاة الفجر وصلاة العصر وفيه إشارة إلى عظام قدر هاتين الصلاتين وأنهما أشرف الصلوات الخمس ولهذا قيل في كل منهما إنها الصلاة الوسطى والقول بأن الوسطى غيرهما la ta'wila alayh. Naam, donc al-Hafidh ibn Rajab, il dit comme ses précédents imams que le fait de persister à accomplir la prière du Fajr et la prière du Asr comme il se doit, c'est-à-dire en gros par la mosquée, sont des causes évidentes de qui provoqueront la vision d'Allah Azza wa Jalla yawm al-qiyamah pour le serviteur. Et il te dit, et on prend de ce hadith le grand mérite de ces deux prières-là, et que ces deux prières-là sont les meilleures des cinq prières. Et c'est pourquoi il y a eu une divergence entre les savants sur laquelle de ces deux prières, entre le Asr et le Subh, était considérée comme Salat al-Wusta. Salat al-Wusta. Et comme on l'a déjà expliqué, le hadith il est venu d'une manière sahih, où le prophète alayhi salatu wa salam, il dit Salat al-Wusta, Salat al-Asr. La prière qu'on qualifie comme étant al-Wusta, ce n'est autre que la prière du Asr, car le prophète alayhi salatu wa salam, a dit cela d'une manière explicite. Et ceux qui prétendent que Salat al-Wusta c'est une autre prière que ces deux, alors eux ils ont Ab'ada al-Tariq. Ils sont dans la vie les plus lointains, où ils ont suivi la vie les plus lointains. وقد قيل في مناسبة الأمر بالمحافظة على هاتين الصلاتين عقب ذكر الرؤية أن أعلى ما في الجنة رؤية الله عز وجل وأشرف ما في الدنيا من الأعمال هاتان الصلاتان فالمحافظة عليهما يرجى بها دخول الجنة ورؤية الله عز وجل فيها. Et certains savants ont expliqué que quel est le lien entre ces deux prières et la vision d'Allah, la récompense d'obtenir la vision d'Allah يوم القيامة et surtout في الجنة. Ils disent tout comme au paradis le plus grand des bienfaits et la vision d'Allah, les œuvres les plus méritoires et les plus honorables dans ce bas monde sont madha, ces deux prières. Donc c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ceux qui sont constants dans l'application des meilleures œuvres dans ce bas monde, il leur accorde la meilleure des récompenses fi jannati wa huwa ru'yatullah azza wa jalla. Naam. قال الحافظ ابن رجب هذا الحديث نص في ثبوت رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة كما دل عليه ذلك أو كما دل على ذلك قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ومفهوم قوله في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Et donc on comprend de ce hadith que la vision d'Allah sera effective pour les croyants, tout comme l'indiquent les versets de Sourate Al-Qiyamah, où Allah subhanahu wa ta'ala dit que ce jour-là il y aura des visages rayonnants, des visages qui regarderont vers leur Seigneur, qui regarderont en direction de leur Seigneur. Et aussi, on peut comprendre du verset, toujours du verset de Mada, de Surat al-Munafiqin, al-Mutafifin, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, mais non, bien au contraire, ils seront voilés face à la vision de leur Seigneur, en ce qui concerne les Munafiqin ou al-Kafirin. On peut comprendre de ce verset que la vision sera accordée aux croyants et elle sera acceptée pour les non-croyants et les grands hypocrites. قال الشافعي عليه رحمة الله وغيره لما حجب أعداءه في السخط دل على أن أولياءه يرونه في الرضا. Donc l'imam Shafi'i dit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a voilé ou a empêché la vision, sa vision à ses ennemis, yani de par sa colère, cela indique qu'il accordera sa vision à ses alliés de par son agrément. Ça y est. لكن يا اخوان est-ce que les kuffar ou plus particulièrement les munafiqin, les hypocrites, les grands hypocrites qui sont des kuffar, est-ce qu'ils verront leur seigneur yawm al-qiyam? Hein? Ils verront pas leur seigneur comme certains savants ont dit en s'appuyant sur le verset qu'on a précédemment cité, kalla innahum 'an rabbihim يومئذ لمحجوبون. لكن هناك حديث صحيح رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري لما يعني حديث طويل وذكر فيه ماذا عرض أو أرض المعشر وذكر قيام المنافقين مع المؤمنين وأنهم سينظرون إلى الله عز وجل وهو على غير صورته التي عرف به. فهذا يدل على أنهم يرون. Dans un hadith authentique qu'a rapporté l'imam muslim, il est évoqué le fait que les munafiqs, les hypocrites, se tiendront debout en même temps que les croyants. Et tous ils regarderont en direction d'Allah عز وجل. Et ils le verront tous sous une forme méconnaissable. Ils verront tous leur Seigneur sous une forme méconnaissable, que ce soit les croyants ainsi que les munafiqin, les hypocrites. Donc ça c'est un dalil qawi qui nous montre que même les munafiqin, ils verront Allah Azza wa Jalla. لكن كما تقدم معنا في درس لمعة الاعتقاد ceci est une fatwa de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui dit que les munafiqin ils verront Allah Azza wa Jal, mais que cette vision là sera une vision atroce, sera une vision effrayante, tandis que les croyants ils verront Allah Azza wa Jal, et cette vision là sera une vision de joie et d'apaisement ainsi que d'agrément. Tamam. Et ça c'est afin de regrouper entre les adillah. Donc ça c'est la meilleure des paroles, au lieu de dire que la totalité des mécréants ne verront pas Allah Azza wa Jal. La meilleure des paroles est la parole de Cheikh l'Islam wa man tabi'ahu fi dhalik. نعم والأحاديث في ذلك كثيرة جدا وقد ذكر البخاري بعضها في أواخر الصحيح في كتاب التوحيد وقد أجمع على ذلك السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من الأئمة وأتباعهم. نعم. Donc le fait de voir Allah عز وجل est une chose reconnue unanimement parmi les savants de la communauté. Le fait de voir Allah Azza wa Jal, que Allah subhanahu wa ta'ala peut être vu, ça, c'est une chose à laquelle on se doit de croire. Celui qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être vu dans l'au-delà, alors il a certes mécru en bon nombre de adillah, et parmi ces adillah, le hadith qu'on vous a cité précédemment, إنكم سترون ربكم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته والحديث صحيح. نعم. وقال وإنما خالف فيه طوائف أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن يرد النصوص الصحيحة لخيالات فاسدة وشبهات وشبهات باطلة يخيلها لهم الشيطان فيسرعون إلى قبولها منه ويوهمون أن هذه النصوص الصحيحة تستلزم باطلا ويسميه تشبيها أو تجسيما. نعم. طيب. Et ensuite, le cheikh évoque que bon nombre de sectes égarées, affiliées à la grande secte des Jahmiyyah ou des Mu'tazila, ont réfuté ce genre de texte, ont réfuté catégoriquement ce genre de texte, avec des excuses et des ambiguïtés encore plus erronées. Des ambiguïtés que Shaitan leur a enjolivées, et les voilà qui se précipitent vers elle. Et ils pensent que s'ils affirment les textes authentiques qui nous viennent, alors cela sous-entendra une fausseté, un batil. Et ce genre de sectes sont appelés ou tombent dans ce qu'on appelle le tashbih ou le tajsim. Tashbih, c'est le fait de comparer Allah Azzawajal avec sa création. C'est-à-dire, par exemple, ils arrivent dans ces hadiths-là, ils disent Allah, il ne peut pas être vu, parce que sinon, ça sous-entendrait qu'il est comme sa créature. Tamam. Allah, subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas avoir de main, car ça sous-entendrait qu'il est comme sa créature. Eux, ils réfutent des textes qui sont authentiques. Pourquoi ? Parce qu'ils comparent Allah Azzawajal avec sa créature. Tamam. Et qu'il le modélise comme un corps humain. Qu'il le modélise comme un corps humain. وَهَذَا غَلَطٌ فَاحِشٌ بَلْ نَحْنُ نَقُولُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. نعم. فَيَنْفِرُونَ مِنْهُ كَمَا خَيَّرَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ قَبْلَهُمْ أَنَّ عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ ونحوها تعظيم لله عز وجل وأنه لا يتوصل إليه من غير وسائط تعبد. نعم. Donc le cheikh il évoque aussi une kalima jamila, une belle parole. Il dit que en gros ces sectes et ces innovateurs ont fui les textes authentiques, tout comme cela a été enjolivé pour les polythéistes. Tout comme cela a été enjolivé pour les polythéistes qui, eux, pensaient que leur adoration pour les idoles était une forme de vénération d'Allah Azzawajal. Et qu'ils ne pouvaient atteindre Allah Azzawajal qu'en passant par des intermédiaires. Des intermédiaires. Tu'bad. فتتقرب إليه زلفا. نعم. كلام جميل من الشيخ. على كل حال, même si ça sort un peu de notre sujet, c'est un bon rappel en ce qui concerne l'attribut d'Allah, qui est le fait qu'il peut être vu. Allah subhanahu wa ta'ala peut être vu. Est-ce qu'il peut être vu dans ce bas monde, Yahya Khan? Ah, rien. Parce qu'il y a même Khayama, ça va être dans sa terre. Rien Hamza. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut être vu dans ce bas monde. Est-ce que quelqu'un peut voir Allah Azza wa Jalla? C'est la dite dunya. Hein? Oui. Dans ce bas monde, personne ne peut voir Allah Azza wa Jal. Hada min umur al-ghaybiyya wa man yad'i dhalika faqad kadhab. Et celui qui prétend qu'il a vu Allah Azza wa Jal, il a certes menti. Personne ne peut pouvoir voir Allah Azza wa Jal dans ce bas monde, comme cela est venu dans le récit de Moussa lorsqu'il a demandé à voir Allah Azza wa Jal. Faqala lahu lan tarani و يعني تجلى للجبل كما في الآيات. نعم. Et est-ce qu'on peut voir Allah Azza wa Jal dans un rêve? Ah, ah musulman. T'entends dire on peut voir le prophète alayhi salatu wassalam, mais Allah. J'ai entendu. Est-ce qu'Allah il peut être vu dans les rêves? Là? Ah, Moussa. Ça ne dit pas qu'il l'a vu. Anta mutaakid. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul fi ra'aytu rabbi ala ahsani sura. Il a senti les phalanges d'Allah. D'ailleurs, c'est dans ce hadith là qu'il est enseigné au prophète alayhi salatu wa sallam, la dua qu'on vous a dit il y a quelques jours. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba man wa hubbu kullu 'amalin yuqarribuni ila hubbik. Donc, une grande majorité des savants, une grande partie des savants sont de l'avis que l'on peut voir Allah Azza wa Jal dans les rêves, en prenant le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, où il dit « J'ai certes vu mon Seigneur de la meilleure des manières ». Maintenant, quand on le voit dans les rêves, on doit avoir le yaqin et la certitude que la réalité est totalement différente. La réalité est totalement différente. على كل حال نسأل الله أن يمتعنا برؤيته يوم الميعاد وفي جنته العلا فإنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا.